les Philistins n'étaient pas vraiment vaincus. Et le roi des Hébreux, Saül, était très inquiet. Pour lui changer les idées, qu'il avait tristes et sombres, un de ses fidèles serviteurs fit venir un jeune musicien au palais. Ce garçon, qui s'appelait David, jouait merveilleusement bien de la harpe. Et comme par magie, Saül retrouva sa bonne humeur à chaque fois qu'il entendait les jolies mélodies qui sortaient de l'instrument de David. Mais, encore une fois, les Philistins envahirent le pays d'Israël. La peur s'installa dans la population et même dans l'armée, très affaiblie par des années de combats incessants et meurtriers. Or, les Philistins, eux non plus, n'étaient pas très sûrs d'eux. Et pour éviter un nouveau carnage inutile, ils envoyèrent un guerrier géant, poilu, fier et bien armé, faire une proposition à Saül. « Choisissez un homme d'Israël pour se battre contre moi. Si je gagne, vous serez tous esclaves des Philistins. Si je perds, ce qui m'étonnerait fort, c'est nous qui deviendrons vos prisonniers. » À la vue de ce colosse aux muscles énormes et à la cuirasse redoutable, les soldats les plus courageux se mirent à trembler. Personne ne voulait se décider à affronter ce formidable guerrier, dont le nom était Goliath. Ce fut David, oui, le jeune David, poussé et soutenu par la main et l'Esprit de Dieu, qui s'avança seul vers Goliath. La surprise fut telle que personne n'osa le retenir dans sa folle entreprise. Tenant dans sa main droite une fronde de cuir et dans l'autre un gros caillou pointu, il se planta devant le Philistin, distant à peine de quelques mètres. Arrogant et sûr de sa force, l'autre se mit à rire aux éclats de ce petit bonhomme tout maigrichon qui osait se comparer à lui. « Je n'ai pas peur de toi !» lui cria David. « Dieu m'accompagne, je crois en lui et il croit en moi pour sauver mon peuple !» Goliath ferma les yeux tellement il pleurait de rire et n'entendit pas le sifflement de la fronde tourbillonnant dans les airs. Il ne vit pas non plus le caillou pointu filer vers lui comme l'éclair. David avait bien visé et rassemblé toutes ses forces. « Flan !» Le caillou vint frapper le géant Goliath en plein milieu du front. Le Philistin s'écroula raide mort. Des chants de victoire résonnèrent dans tout le pays. Les Philistins s'avouèrent vaincus. Ainsi, la foi en Dieu d'un tout jeune homme avait sauvé tout un peuple de la défaite et du déshonneur. Bien plus tard, David devint à son tour roi des Hébreux. Mais ceci est déjà une autre histoire.